بسم الله الرحمن الرحيم. أبا زكريا واحد جاء و ما صلى الوتر. Quelqu'un est venu, il n'a pas fait l'huître. Il n'a pas de péché, mais on peut le blâmer. Il n'a pas de péché, mais on peut le blâmer. Non. Il mérite d'être blâmé. Taïe. Donc on dit, ça c'est une sunna, comment on appelle cette sunna? Mu'akkada. Taïe. Wahed, il est venu. Il a coiffé ses cheveux, il a laissé pousser ses cheveux longs, jusqu'ici. Jusqu'au milieu de. Entre. Après la nuque. Après le lobe de l'oreille. Cette personne-là, ma hukm fi'leh. C'est quoi le jugement? Déjà, al-hukm. Nurid, quand on dit le hukm, on veut quel genre de ahkam? Wajib, on les appelle comment ceux-là? Al-ahkam al-taklifiyya wa kadhalika al-ahkam al-khams. Na'am. Tamam. Donc quelqu'un qui a laissé pousser ses cheveux jusqu'en dessous de l'oreille. C'est quoi le jugement de son affaire? Sunna, wajib, makruh, haram. Qu'est-ce que tu as, Mohamed? Tu n'as pas de la haram, ou la halal, ou la... Allah. Allah, ala, ahsan, ahsan. Taïb. La ba'as. Hein? ليس بمعصية يعني مستحب ولا واجب ولا مباح؟ لا يعني مباح نعم مباح حلو سنة ما صدق s'il le fait pour soumission par soumission en cherchant à se rapprocher suivre la sunna du professeur Assalam, en fait. Aïe, non. Si il a fait le hu, yaktida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayu'jar alayh. Il sera récompensé. Mais on ne va pas dire que c'est une sunna. On va dire que c'est une sunna. Tamam. Il sera récompensé, na'am. Pourquoi il sera récompensé? Pour son suivi du prophète alayhi wa sallam. Mais ça, c'est une chose, comme on l'a dit, c'est des choses où le prophète, il était sur ça, non pas par adoration, mais par habitude. C'était les habitudes, les mœurs arabiques. C'est pourquoi beaucoup de savants voient que le fait de laisser pousser les cheveux, c'est pas une sunna. Mais ils te disent que celui qui le fait pour s'apparencer au prophète, alayhi salam, il est récompensé. Taïe. Juste une question. Maintenant, celui qui fait ça, mais qui est dans une société où le fait qu'un homme ait de longs cheveux est mal vu, est-ce que lui, on va. Le fait ce que vous venez de dire va tomber sur lui, il aura le hajj, et en même temps, on va dire qu'il suit la sunna du professeur Hassan. Sachant que. Lui, il travaille dans une société. Non, la société, je veux dire. Ouais. Le pays où il est. Ah ouais. C'est mal vu. C'est le meurtre de là où il est. En fait, Par exemple, un homme qui met. Un drap, qui met un drap autour de son. De son dos. Ouais. Par exemple, dans les pays africains, c'est les femmes qu'on est faisant ouais. Ça. Et s'il le fait, par exemple, en Indonésie. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on voit tous les hommes qui font ça. C'est leur culture. Mais en Afrique, c'est pas ça la culture. Un homme qui porte un pagne, il est mal vu. Et c'est la même chose aussi pour les cheveux longs. Bon, forcément en Afrique, mais si jamais il y avait un pays où il y a les gens de ce pays qui voient mal Ouais, qui voit un mal homme qui ça. porte qui a des cheveux longs. Voilà, s'il est dans une communauté ou une société où le fait de porter des cheveux longs, c'est mal vu, qui laisse? Qui le laisse? Hifadhan al jama'a, afin qu'il protège la jama'a, l'unité. Et ça, cette affaire-là, c'est pas une sunna en soi, le fait de laisser pousser les cheveux. C'est pas une sunna. C'était une habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que là, on va voir dans le travail de fiqhiyya, Inch'Allah, إذا تزاحم المصالح ارتكبت أعلاها. Si tu as deux choses qui sont bonnes, deux choses qui sont bonnes, qui viennent à s'interposer, il faut que tu choisisses celle qui a le plus de degrés. Le fait que tu protèges la Jama'a et que tu te conformes aux gens de ton peuple, ça c'est plus élevé que tu viennes à la contredire dans une chose qui n'est même pas considérée comme une sunna. Taïe. Porter les izar. Porter les izar dans certains pays, c'est mal vu parce que c'est considéré comme un pagne ou quoi, et c'est plus les femmes. طيب كيف نعمل في هذه القضية؟ اترك نترك؟ نترك يا أبو زكريا؟ نعم؟ هكذا؟ طيب ما حكم لبس الإزار؟ Quel est le jugement de porter l'Izar? Est-ce que c'est une sunnah? Est-ce que c'est mustahab, wajib, mubah ou là? Pour répondre, il faut connaître le dalil. Tu ne peux pas répondre sans dalil. Il faut connaître le délire. Pourquoi? Parce que on a dit, c'est quoi le wajib? Le wajib, c'est quoi? Eh, ma amara bihi shari' ala wajib al-ilzam. Wal mustahab? Eh, ma amara bihi shari' la ala wajib al-ilzam. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez trouver dans le kitab, la sunna, un ordre parmi les ordres d'Allah Azzawajal. Qu'il soit d'une manière affirmative, obligatoire, alors on dira que ce sera un wajib. S'il n'est pas d'une manière obligatoire, affirmative, on dira c'est mustahab. Si là aujourd'hui on veut dire que le hizar c'est mustahab, il faudrait qu'on ait une preuve où il y a quoi dans cette preuve? Il y a un ordre de le porter. C'est pourquoi les gens ils ont dit les cheveux, c'est pas une sunna. Du sens où c'est pas mustahab parce que il n'y a pas de véritable il n'y a pas de texte où le prophète il ordonne de laquelle pour l'Isa, il y a bien et bien des textes. Comme les hadiths de Hudayfa ibn al-Yamam, si je ne me trompe pas. Où ils évoquent que les juifs et les chrétiens ne portent pas l'Isa. Le prophète s'est dit, portez l'Isa et priez dans mon Ira. Hein? Portez l'Isa et priez dans mon Ira. Donc là, c'est un ordre. Ça va? Pareil, le fait de prier dans ses chaussures, avec ses chaussures, par rapport à ça. Par rapport à cet ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa khalifu al-yahud wal-nasara. Et différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Ça va? Non. On prend le Muharram et le Du coup, là, c'est pareil pour les cheveux. On n'a pas répondu. C'est-à-dire, là, on Non, ça veut dire que on délaisse le hizab, en vérité, c'est une chose, c'est une sunna. C'est-à-dire, on le délaisse si on sait que ça peut être mal vu dans le pays. Non, justement, le truc, c'est que tu peux pas le délaisser mutlaqan. Comme le fait de. Ça, c'est une sunna. Ça veut dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu mustahab. C'est recommandé de porter les armes. Comme le fait de prier avec ses ner'am. Maintenant, si toi tu sais que ça va t'attirer bien plus qu'une simple contradiction avec les gens du pays, mais ça va t'attirer du tort, ça va faire Un éventuel innovateur ou des trucs comme ça. Oui, tu crains pour ta personne, non? comment? Le nom pour ta personne. Oui, tu crains pour ta personne que les gens ils comprennent mal ou que ça fasse une dissension par rapport à ça. Là, tu laisses. Comme le fait de prier avec ses ner'am. Prier avec ses ner'am, c'est mustahab. C'est recommandé. Mais si tu sais que les gens ne comprennent pas cette sunna-là, enfin, laisse, pas trop. Tamam? Parce que le fait de préserver l'unité, c'est awqad, c'est plus obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est mustahab. Tamam? Ça, c'est obligatoire et ça, c'est mustahab. T'as vu? Mais par rapport aux cheveux, nous on délaisse, même bien que Yannick, c'est pas le même délaissement que l'on parle dans les ni'am ou autres. Je sais pas si vous avez compris. Le fait, les cheveux, c'est même pas une sunna en réalité. Selon la même plus, c'est même pas une sunna. Ça veut dire Mimba et là que tu laisses sans même Yannick, sans hésitation. Tandis que l'autre, c'est seulement si tu crains un tort plus grand. Vous comprenez? Il a blâmé une personne qui était avec nous, qui laissait ses cheveux pousser jusqu'ici. Ou une fois, il a fait même des tresses. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est même pas une sunna. C'est même pas une sunna. Et que la plupart des gens qui font ces coiffures-là aujourd'hui dans la péninsule arabique, ce sont les takfiriyin, des gens qu'on se doit de se différencier d'eux, tamaman. Tamaman. Naam. Qala al-muharram. Al-muharram, lughatan, al-mamnoun. Donc le muharram, en langue arabe, c'est la chose interdite. Interdite. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. Donc ça c'est à retenir. Le muharram, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit d'une manière obligatoire. C'est ce qu'Allah il a interdit d'une manière obligatoire. Là, vous pouvez noter, il y a une faïda, et avec celle-là, on terminera. Ta faïda, tariko lil muharram ala arba'i halat. Celui qui laisse le muharram, il est dans trois situations. Taratan yatrukuhu imtithalan. Dans la première situation, il laisse le muharram imtithalan. Ma ma'ana imtithalan. En faisant partie, monsieur. En faisant cela par soumission. Deuxièmement, taratan yatrukuhu li'annahu lam yatra ala qalbih. Deuxièmement, celui qui il laisse le muharram parce qu'il n'y a pas pensé, tout simplement. Il laisse le muharram parce qu'il n'y a pas pensé. Taratan يتركه لعجزه عنه مع عدم السعي في تحصيله. Et des fois, il peut laisser le muharram parce qu'il est pas capable. Il n'est pas capable de le faire, même si il cherche pas à le faire. Mais lui, il le laisse parce qu'il n'est pas capable. Hein? Il n'est pas capable de le faire. Il le laisse parce qu'il n'est pas capable. Mais en même temps, il ne cherche pas à le faire. Vous avez compris? ركز ركز يا ابو زكريا بعدين نريد الحكم من كل واحد طيب وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيل et des fois il peut délaisser le muharram parce qu'il n'a pas réussi là-bas il a tout fait il a vraiment essayé, il a fait son effort pour le faire mais il n'a pas réussi. تمام طيب lequel d'entre ces quatre est récompensé lequel d'entre ces quatre est châtié يا ابو زكريا le premier il est récompensé Ismaïl le premier c'est lequel hein Le premier, c'est celui qui a délaissé l'interdit, mais par soumission à Allah Azza wa Jalla. Lui, il est récompensé. Voilà chaque. Fal-awwal yuthab. Tayyib al-Sani, celui qui a délaissé le péché, tout simplement parce qu'il n'y a pas pensé. Il n'est pas récompensé, il n'est pas châtié. La yutab, voilà yu'aqab. Lui, il est ni châtié et ni récompensé. Tamam? Wa thalith. Le thalith, celui qui. Il n'a pas fait le muharram parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il est incapable, mais il n'a pas fait. Il ne s'est pas précipité ou il n'a pas essayé de faire son effort pour le faire. Il n'est pas châtié. Lui, il n'est pas châtié. Si, il est châtié. Il est châtié parce qu'il n'a pas eu l'ania de ne pas faire son effort. Lui, il est châtié. Non, c'est pas qu'il a pas voulu le faire, c'est que lui, il n'a pas fait les causes pour le faire, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, lui, c'est comme si. Il voulait faire le péché. Mais voilà, chauffe. Lui, il a laissé. Il a pas fait le péché, il a pas fait le péché. Non, en fait, non. Lui, il a laissé le péché. Mais il ne l'a pas laissé par soumission. Il l'a laissé parce qu'il n'est pas capable. Par exemple, là, Mathalan. Il veut absolument regarder une femme qui va passer dans la rue. Mais tout autour de lui, il n'y a que des murs de je ne sais pas combien de mètres de haut. Lui, le seul truc qui l'a empêché de regarder cette femme-là, c'est les murs. Maintenant, il n'a pas essayé de sauter au-dessus du mur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas essayé de faire la cause de sauter au-dessus du mur pour regarder. T'as mal? Mais lui, la seule chose qui l'a empêché de regarder, c'est le mur. Moi j'avais pas compris. Donc il avait envie de le faire. Là, en gros, il avait envie de le faire, mais là, il n'était pas capable de le faire. En même temps, il cherche pas à faire la cause. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Non. Alors lui, qu'est-ce que. Il est châtié? Il est châtié. Non. En fonction de sa lien. Et celui qui n'a pas fait le haram, mais qui a tout fait pour le faire, mais il n'a pas réussi. Voilà, lui son jugement il est comme celui qui l'a fait. Ouais, le quatrième il est pire que le troisième. Puisque lui il a même pas fait l'effort de faire le, le haram. Il a tout fait, même les causes. L'autre, il a fait toutes les causes. Il a sauté le mur. Il a tout fait, mais une fois qu'il est arrivé au-dessus du mur, il a... Elle était plus là. Elle était plus là. Alors, lui, après, il ne peut pas dire « Ah non, bah, alhamdoulilah. » Non, ça y est, il est tombé dans le péché. Ça va ? Non. Donc là, « Fala yuthar tarik al-muharram illa ila kan imtithala. » Donc là, avec ça, vous voyez que celui qui laisse une chose interdite, il ne sera jamais récompensé, si ce n'est qu'il l'a laissé par soumission à Allah Azza wa Jal. تمام ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك